suffocation in some stupid little town. A black killer Salut à toutes et tous, ma tribu, bienvenue dans la 118e Vampire Freaks. C'est Spike qui débarque dans votre salon et vous êtes les bienvenus. Et oui, c'est Spike, c'est Vampire Freaks et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Merci pour toutes vos petites attentions que vous avez eues pour l'émission de la semaine dernière. Oui, il y en aura encore des nouvelles là cette semaine et il y aura du très bon. On commencera tout de suite avec Wild Side de Motley Crue. C'est sur la bande originale du film Rockstar sorti en 2001. On retrouve Living on a Prayer avec de Bon Jovi. Lick It Up par Paul Stanley de Kiss et Devil Inside de In Excess, et à la base un morceau de 1987. On continuera ensuite avec Poltergeist de Psychoid. C'est sur l'album Trash Test, leur premier EP 4 titres sorti en 2016. On retrouve Anarchy, Poltergeist, Platoon of Death, Wicked Your Ass. Un superbe EP. Ils vont sortir un premier album le 30 mars prochain. Des nouvelles très vite. On continuera ensuite avec Revival de Protégé et Romain Vergo. C'est sur l'album de Hatcher Affair sorti le 12 février 2013. On retrouve I and I, Kingston Be Wise, qu'on peut retrouver sur GTA V. Et Come On My Way. On continuera ensuite avec une nouveauté, Run, le nouveau Bice Project. C'est sur l'album Abyss of Mind sorti en 2018. On retrouve Ink of My Eyes, Hidden in My Dreams et Open Your Eyes. Un superbe album, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp et toutes les plateformes légales. C'est du très bon metal prog et d'ailleurs le clip de Run est visible sur YouTube. Et on finira ce bloc en live avec Peace Frog des Doors. C'est sur le Live in New York sorti en 1970, réédité le 17 novembre 2009. On retrouve Roadhouse Blues, 521, Wild Child, etc., etc. Plus de 34 sons. Plus de 34 titres du son culte et hâte de la réédition de leur dernier live à l'île de Wight. Legend. revival. A protege. Yeah. I know what you need with Romaine. Well, it's blazing up in my head. Keep playing while the music has spread. I'm saying, don't you hear what I said? Or reggae music for dead. It's blazing up in my head. Keep playing while the music has spread. I'm saying, don't you hear what I said? Or reggae music for dead. Oh, them fi say reggae dead. When I hit, we carry on. And I keep it with me like it's my carry-on. So make me show you quickly how this thing around. And I got my peoples with me, Professor Corleone. Different kind of energy, listen with style and melody. Check out the message, listen how this snare and act so steadily. Feel nice every time when the bass I play so heavily. A reggae music all over, that's the remedy. Well, it's blazing up in my head. Keeps playing while the music has spread. I'm saying, don't you hear what I say? Or reggae music for dead. It's blazing up in my head. Keeps playing while the music has spread. I'm saying, don't you hear what I said? Or reggae music for dead. Boy, this is the reggae rebirth, nothing at all. So me tell you, no cry for the reggae, none at all. Toby Wilson, Riley Coxon, Dad and John Jolaws. Them life come and gone, but them tracks still a run on. Soundbox it a turn on, catchy farm, cow we still up. I try arm the music from what we kill feel up. Come, I a storm, fire start when me build up. With no iron bars, I a star, I be grill up. It's blazing up in my head. Keeps playing while the music has spread. I'm saying, don't you hear what I said? Or reggae music for dead, yeah. It's blazing up in my head. Keeps playing while the music has spread. I'm saying, don't you hear what I said? Or reggae music for dead, yeah. So no try stop with music, I shall warn ya. Take it to a higher heights anytime we perform now. Roots rocking reggae, make you relax and keep calm. Different categories, so no mix me with no drama. Some say it put their mind at ease then. That means that the reggae music a please then. So turn it up low till you hear it a peak then. A reggae music a beat them way. It's blazing up in my head. Keeps playing while the music has spread. I'm saying, don't you hear what I said? A reggae music for dead, yeah. It's blazing up in my head. Keeps playing while the music has spread. I'm saying, don't you hear what I said? A reggae music for dead, yeah. It's blazing up in my head. Keeps playing. Play, play. I'm saying, don't you hear what I said? Not here. Reggae music yonder. No, no, no, no, no, no, no, no, up in my head. While the music has spread. It's tradition, you know. Don't you hear what I said? Reggae music yonder. I'm saying, whoa, on reggae music for day, yeah. Protege, no. Romaine Virgo, no. Don Corleone from the track. Dead. And the legacy, you know. Can't dead. More music, yeah, yeah. No. Play. Ooh, no, no, no. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. Vous êtes bien dans la 118e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Whiteside de Motley Crue, Poltergeist de Psychoid, Reggae Revival de Potager et Romain Virgo. On a eu ensuite le nouveau Vice Project Run et on a fini ce bloc en live avec Peace Frog des Doors. On continuera cette émission avec Rebirth de LUVIC. C'est extrait d'un album à paraître sur Nuclear Blast. Des nouvelles très vite, mais on les retrouve déjà sur Bandcamp, Facebook, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera avec du vieux son qui craque, The Wolf de Heart. C'est sur l'album Heart, sorti le 6 juillet 85. On retrouve What About Love, Never, All Eyes et Nothing At All. On note la présence au clavier du compositeur autrichien Peter Wolf et au chant de la chanteuse de Jefferson Airplane. On continuera ensuite avec Engage, c'est une nouveauté de Saint. C'est sur leur premier EP, First Blood, premier EP 4 titres qui vient de sortir. On retrouve Bison and Beer, Super Ain't, Engage et Feather Ends. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et j'espère bientôt sur les plateformes légales. On continuera avec un petit son tranquille. Social Living de Burning Spear, c'est sur l'album Marcus Children sorti en 1978. On retrouve Nayakis, Marcus Senior, comme du son reggae culte. Et on finira ce bloc en live avec Chorus Blood de Beto Todd. C'est aussi le titre de leur troisième album sorti le 8 avril 2006. On retrouve Firefly, Glowcoff et Viva Punk in Liebenlang, un de mes albums préférés de Beto Todd. We'll be right back.

is attached. Luxury looks behind many faces. Swallow the curtain of your face. Can't take you in there and now. No, it's too late, I'm feeling tingling. Just relax, you feel no pain. King of rockers, we'll put you from fork and man, fork and crutches. Bounce, dodge, pose, great change. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Living is the best. Do you know social living is the best?

Vous êtes toujours dans la 118e Vapeur FX et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'écouter Rebirth, nouveau LUVIC, ça arrache le bitume ça. On a eu après un petit son qui craque, The Wolf en vinyle de Art. On a eu ensuite Engage, le nouveau Saint. Allez sur la page Facebook de Saint. On a eu ensuite Social Living de Burning Spear. Et on a fini ce bloc en live avec Charles Blood de Beton Todd. Nous continuerons cette émission avec Firepower, le nouveau Judas Priest. C'est aussi le titre de leur 18e album, sorti le 9 mars dernier. On retrouve Firepower, Flamethrower et North Rider. Ils vieillissent bien. On aura ensuite Little Time Bomb de Golden Earring. C'est sur l'album Tits and Ass, sorti le 11 mai 2012. On retrouve Cool and Get It, This Love et Flower of the Sun. On aura ensuite King of the Arena de Johnny Clark. C'est aussi le titre de cet album sorti en 2001. Mais je pense que c'est plus ancien que ça quand on écoute le son. On retrouve Jaja Knows, The Greatest Love et Tell Me Why. On écoutera ensuite un vieux vinyle qui craque, Restless and Wide de Accept. C'est aussi le titre de leur quatrième album sorti le 8 octobre 1982. On retrouve Fast as a Shark, Ahead of the Pack et Demon's Night. Et justement, puisqu'on parle d'Accept, le 7 avril prochain, donc 2018, à partir de 20h30 à la Maison pour tous de Shadrack en Haute-Loire, il y aura le concert Shadrack Metal Fest. Qui est organisé par le collectif de l'œuf de pierre, et donc il y aura une émission spéciale puisque Vampire Freaks est partenaire de l'œuf de pierre. Donc les groupes, c'est deux tributes bandes. On aura No Class Tribute to Motorhead et Access Tribute to Accept. Et en première partie, Black Soul, un petit groupe du Puy-en-Velay qui fait excellent. On vous attend nombreux et je serai sur place. Je ferai comme d'habitude, j'interviewerai les groupes et on prendra quelques photos. On finira ce bloc en live avec Voices in the Dead de Creator. C'est sur l'album Enemy of God, sorti le 10 janvier 2005. On retrouve Impossible Brutality, One Evil Comes Million et Dying Race Apocalypse, du bon son qui arrache le bitume. Donc on se retrouve le 7 avril à Shadrack. Invincible through every storm. Émission radio où Spike débarque dans votre salon. Yeah. as I look into those eyes long gone. And it feels like you were still a part of this restless world. From beyond, you reach out for my hand. Come closer, follow me. Yes, on est là. Vous êtes toujours dans la 118e Vapeur Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient s'écouter Firepower, le nouveau Judas Priest, Little Time Bomb de Golden Earring, King of the Arena de Johnny Clark. On a écouté ensuite Restless and Wide dans Vinyl de Accept et on a fini ce bloc en live avec Voice in the, of the Dead de Creator. Désolé, c'est un peu long, mais c'est tellement bon. On continuera avec une nouveauté, After Midnight de Bronx. C'est sur l'album Bronx ST, sorti le 30 septembre 2015. Oui, si j'ai, c'est nouveau sur la radio, quoi. On retrouve Breaking Kingdom Time Bomb, et bien allez sur, et on les retrouve aussi sur Facebook, Bandcamp, et j'espère bientôt sur les plateformes légales et YouTube. On continuera ensuite avec Seeds of Rebellion de Worselder, c'est leur, sur l'album Paradigm Lost, sorti le 25 mai 2017. On retrouve Paradigm Lost, The Sickening et Home of the Grave. Ils cherchent des dates partout en France, ils sont de Toulouse. Contactez-les sur Facebook, on les retrouve sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera ensuite avec Get Out of My Way, le nouveau White Mighty Freaks. C'est sur l'album Guns and Cookies, sorti en 2016. On retrouve The Last Time, Jungle, Freak, etc. Du son hardcore jusqu'à la mort. Et ils seront au prochain Download Festival. C'est une très bonne nouvelle pour eux. On écoutera ensuite Écoute, le Control Tower, et du featuring Joseph Cotton. C'est sur l'album Bienvenue dans le quartier, enfin l'EP est sorti en 2016, Bienvenue dans le quartier. Il va sortir justement un nouvel EP le 30 mars prochain. Il m'a dit qu'il m'en ferait passer un exemplaire. Hâte de vous faire découvrir. On retrouve sur Facebook, Bandcamp, et YouTube et toutes les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live avec Blues Dance Raid de Steel Pulse. C'est sur l'album Rastafari Centennial, sorti en 1992. On retrouve Taxi Driver, Stay With The Redeem et Rally Round du son Kid. Yeah.

Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Alongside Control Tower, every hour and hour. I wanna sing you some, brother. Écoute ma voix, sans douter que toi et moi listen on to y your va. Voice. Cherche pas une place dans cette vie. Y'a un chemin qui fait que je suis sans suivre personne. Yeah. Me demande pas vers où, à toi de voir comment. Vois en toi ici, crois en toi maintenant. Écoute ta voix, écoute ta voix, écoute. Choqué. La peur d'avancer te fait voir le passé. Non pas comme une base, mais comme un terrier. Tu ne fais que creuser, pas en ton corps ni en ton cœur, juste l'intelligence rognée. T'as beau lire les mots si tu ne te comprends pas, tu finiras seul comme moi. Découvre ta voix. Découvre. Find your way no matter what they say. Qu'importe ce qu'ils disent. Find your way, don't let them lead you astray. Find your way no matter what they say. For a purpose. On est là pour quelque chose. Ain't a need for you to fight, ain't a need for you to fuss. Take a look into the book and feel the things you read. I tell you about it. I'm sure that's gonna make you succeed, as I will tell you. You know, so you gotta be original, you know. Sois toi-même. Don't have to follow no one, you know. Just keep on doing your own thing. As I will tell you, you know. Nigga track attack with a big on the track. Sound to see I'm sweet like a lollipop's gonna with this bomb with down again. I've been some of the first people of the club as I would tell you, you know. Shocking, I tell you. Tower. Frenchman style. Cherche pas une place dans cette vie. Trouve ta voix. Cherche pas une place dans cette vie. Chante ta voix. N'écoute même pas les paroles de ces gens-là, ni moi. Écoute ta voix. Entends-tu la voix qui résonne en toi et moi. Écoute la voix. Écoute la voix. Écoute. Merci. Say me no star, darling, me really dance near and far. I want set of people me just can't stand. Everybody call them dirty Babylon. I mash up me session, I mash up me dance. Come and make a rest, them no have no chance. But rougher, me tougher, it ain't no bluff. Me lick them in the mouth with them own and cook. Yes, me a dance, the rhythm me a dig. Me no want no moderation from the dirty pig. A Babylon we chant, a Rasta we talk. This is what you call the Riot Scott Elementary. Just hotter, hotter reggae music, hotter, hotter reggae music, hotter. Jusqu'à la dernière seconde, Steel Pulse. Vous êtes toujours dans la 118e Imperfix, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'écouter After Midnight, le nouveau Bronx, Seeds of Rebellion de Warselder. Allez sur la page Facebook et sur les bandcamp de Bronx et Warselder. On a eu ensuite Get Out My Way de Wade Multi Freak. Pareil, allez aussi sur la page Facebook de Wade Multi Freak. On a eu ensuite Echo de Control Tower. Et on a fini ce bloc en live avec Blues Raid de Steel Pulse. Alors on continuera cette émission en live, ça va faire un petit plaisir, de Marshall Plan de Blue Oyster Cult, c'est sur l'album Cultosaurus Eric Rectus, sorti le 14 juin 1980. On retrouve Black Blade, Divine Wind, Lips in the Hill, et un classique de chez Classic. On continuera avec une nouveauté, Homme, le nouveau Smokehead, c'est sur l'album From the Abyss, sorti le 8 octobre 2017. On retrouve de Dakota Firewall, Black and White et Get Me Down. Ils sont excellents, ils cherchent des dates et contactez-les sur Facebook, Bandcamp, et ils sont sur YouTube et sur toutes les plateformes. On continuera avec une autre nouveauté, La Libertad d'Ali de Ali Bankai, c'est de la démo. On le retrouve sur Facebook et YouTube et j'espère bientôt sur Bandcamp. Et c'est un petit gars, il est très très bon Ali, THC Bankai. On continuera avec Irelion de Winston McAnuff, c'est sur l'album Pick It to Clicks, pardon, sorti en 1978. On retrouve Garvey Vision, Ugly Day et Electric Dead du son culte. Et on finira ce bloc en live avec Doris So Good de Rammstein. C'est sur l'album Live aus Berlin, sorti en 1998. On retrouve H.S. Joasse, Aira Tommy, Spiel mit mir. Et ils vieillissent pas, mais j'aimerais bien qu'ils en fassent un petit album quand même. Ça ferait plaisir de les entendre un peu. We're fighting! only had a good guitar and a big amp, boy, it wouldn't be somebody else taking my girl away. I know what I should do. And I'll put an ad in the paper, get a few other guys who wanna play as much as I do. Tell you, I ain't playing no surf music. I'm gonna play some heavy music. I'm gonna play bad. I'm gonna play loud. I know just what I want it to sound like. It's gonna sound like, it's gonna sound like. Don Kirshner, and tonight on Don Kirshner's Rock Concert, a new phenomenon in the music world, with 6 million albums to its credit in just 2 short years, my good friend, here's Johnny. We'll be right back. liberté, qu'est-ce give, sbire ou qu'est-ce taper la tête sur les quais, on sniquait les neurones, plein de banques, faire acquisition, ils se cassent, c'est pas drôle, libre de vider ton compte, payer tes impôts, libre de pisser sur le monde, respecte personne, vu trop de manigances, libre piller le tiers monde et de leur dire pas se plaindre, on va chez eux en vacances, libre de laisser place vacante, des usines en friche, des déchets atomiques, rien à foutre, on laisse rien à nos petits petits. Si nièce t'es pas libre, pauvre tips déjà. Le loup de Wall Street, liberté. Où es-tu passé? Moi je vois rien du tout sur la pente. Touche de l'inhumanité, l'unanimité. Moi je l'attends toujours et j'attends rien en retour d'être libre. Être libre avant de mourir, une vie bien remplie. Un casier vierge ou mort à 19 piges. En bas des halls, t'entends Steve barre-toi de là d'être haine libre. Le mec à 40 piges, il vote le mal, effet nazi armé content. Ça Svetlana d'Ukraine a acheté en Espagne, d'être maître ou de la faire mettre. Libère-toi de ce mal pourri, pense-t-on jamais à la paix? Non, ça rapporte pas assez. Jette, jette sur les pauvres le pain race, il crie négro, j'suis pas raciste. Liberté, t'es où? J'crois que t'as jamais existé, on sait même pas quelle gueule t'as, t'es pas là. Rien qu'à l'époque des dinosaures, à ce qui tu fous droit. Quand un type te déshonore, tu te fourvoies, ton caractère se détériore. Liberté, où es-tu passé? Moi je vois rien du tout sur la pente. Touche ouse de l'inhumanité, l'unanimité. Moi je l'attends toujours. Demos Kratos, libertatem, démo latin, thème, démocratie, liberté, l'opium du peuple ou de l'être. Démo des lettres emmêlés, démons sur la fâche cachée. Vaut mieux se taire, libre se croire au paradis, mais en enfer, l'icobé des enfêtes. J'dis au teufeur, allez voter, au moins y'aura jamais FN. Vote un droit pourri, mais un droit quand même. Tu peux mettre ton doigt dans l'urne, mais range-moi Spike Denken. Présente-toi, j'espère vraiment tu vas tout ken. Sérieusement, liberté, manifestation, ou plutôt déplacer des moutons boutou au lieu des battes. T'aurais dû faire péter au milieu de tous ces ripoux, là j'm'arrête. Mais je reprends dire fuck tous ces cons. Ça rapporte pas grand chose, mais c'est soulageant. Système sous mon fessier, sous ma jambe, line sous les agents. Hey, la FM saoule, c'est rageant. Agression publicitaire, libre de consommer, de penser comme tout le monde. Ils veulent frère, libre de faire comme ils veulent faire. César, Hitler, Charlemagne, Saddam, bouche de mèche, Pétain, maréchal, je sais pas qui citer, c'est bien tous des merdes. Libre, tu es plus que la nature, liberté. Où es-tu passé? Moi je vois rien du tout sur la pente. Touche ouse de l'inhumanité, l'unanimité. Moi je l'attends toujours, liberté. Où es-tu passé? Moi je vois rien du tout sur la pente. Touche ouse de l'inhumanité, l'unanimité. Moi je l'attends toujours, libre. Crevé de froid, de chauffant, sous les bombes du pont. 21e siècle, y'a rien. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Life. that you're coming from Zion. Say that you know the kings of kings. Say that you know the Lord of lords. And that you are a lion. I realize the lion. And that you're coming from Zion. Say that you know the kings of kings. Say that you know the Lord of lords. And that you are a lion. Steigt dir nach. Ah, pareil, Rammstein en live jusqu'à la dernière minute. Vous êtes toujours dans la 118e Vampire Freaks. On vient de s'écouter The Marshall Plan en live de Blue Oyster Cult, Homme le nouveau Smokehead, La Libertad Ali le nouveau THC Bankai Ali Bankai, Harry Lyon de Winston McAnuff, et on a fini ce bloc en live avec Do Rich So Good de Rammstein. Cette 118e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Comme je le redire, donc le 7 avril prochain à Chadrac en Haute-Loire se tiendra le Chadrac Metal Fest, deuxième édition. Comme je le disais tout à l'heure, on retrouvera en affiche No Class, Tribute to Motorhead, Access, Tribute to Accept, et en première partie Black Soil, un groupe local. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ah oui! On finira cette émission avec Enae Volare, Mezzo de Hera, c'est sur l'album Hera, sorti le 2 juin 1996. On retrouve Ameno, Katarins et Imperia. Et c'était la bande originale des Visiteurs 1 en 1993. On était jeunes, on était beaux, morte couille. Donc on se retrouve le 7 avril à Chadrac. Venez nombreux, donc en Haute-Loire. Et ça va être une bonne soirée. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et toutes, la tribu! Ameno, amenosto, dorime, dorime, oh, ah, esare per me. Samien, operate, samien, operazione, so.